Ce soir, ce que je voudrais développer, je voudrais séparer la soirée en deux parties. Je veux développer d'abord sur le thème de la naïveté, et ensuite je veux développer sur le thème de l'ésotérisme. Je vais probablement aller de la naïveté à l'ésotérisme pour changer un peu la vibration. Alors, je vais commencer par l'ésotérisme. Qu'est-ce que c'est l'ésotérisme dans la vie de l'homme? Quelle est la fonction de l'ésotérisme dans la vie de l'homme? Quelle est sa valeur? Pour apprécier la pensée ésotérique, il faut voir l'homme de deux façons. L'homme est un être qui réfléchit l'enseignement, qui réfléchit sur l'enseignement. Et l'homme devient un être qui ne réfléchit plus sur l'enseignement lorsqu'il est complet. La fonction de l'ésotérisme dans le monde, c'est de permettre à l'homme de réfléchir sur certains enseignements qui ont été donnés par des hommes qui ont un certain niveau d'évolution, afin de le préparer mentalement et émotivement. Dans un but qui souvent ne lui est pas connu, dans un but souvent qui lui est caché, dans un but souvent qui fait partie de sa mémoire ancienne, un but qui est relié à la mémoire de l'âme et qui, dans son fond, est un but évolutif. But évolutif dans ce sens que l'ésotérisme, à cause de sa vibration, à cause de son esprit, à cause de sa valeur psychologique, à cause de sa valeur spirituelle ou métaphysique, permet à l'homme de sortir des cadres inférieurs de sa pensée pour entrer dans des cadres de pensée supérieure, mais sans pouvoir, par lui-même, vérifier la nature même de cet enseignement tant qu'il n'est pas lui-même en dehors de l'enseignement, tant qu'il n'est pas lui-même dans sa propre intelligence, tant qu'il n'est pas lui-même suffisamment avancé sur le plan vibratoire pour que ses corps, ses principes lui servent de véhicule afin d'extrapoler la vérité de l'ésotérisme contre le tableau de la réalité qu'il peut connaître selon son plan et son niveau d'évolution. L'ésotérisme, comme toutes les sciences de l'homme, contient des aspects qui sont positifs, contient des aspects qui sont retardataires, et contient des aspects qui doivent être dépassés. Les aspects positifs de l'ésotérisme sont ceux qui ont évolué sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan émotif. Les aspects négatifs de l'ésotérisme sont les aspects qui ont tendance, à l'insu de l'homme, à dominer son esprit. Les aspects qui, de très loin et à l'insu de l'homme, souvent sont rattachés à des formes de magie inculte, de magie noire. Et les autres aspects qui doivent être dépassés par l'homme sont ces aspects de l'ésotérisme qui appartiennent, qui peuvent être enregistrés, qui peuvent être vécus avec le plaisir de l'esprit, pour le bénéfice de l'esprit, en fonction du mental et de l'émotionnel humain. Et ce sont ces aspects qui, éventuellement, sont dépassés dans la pensée ésotérique. Lorsqu'un homme entre dans sa propre intelligence, il n'a plus besoin, éventuellement, de vivre de l'intelligence d'autres hommes. Étant dans sa propre intelligence, il se soucie à lui-même sur le plan mental parce qu'il a suffisamment d'énergie dans ce plan qu'il est capable d'aller chercher ses propres réponses. Et la fonction de l'ésotérisme, c'est justement de préparer l'homme vibratoirement à devenir un jour de plus en plus autonome pour qu'il ne puisse plus avoir besoin de l'ésotérisme, pour qu'il soit lui-même au-delà de l'ésotérisme et pour que lui puisse le comprendre parfaitement, l'ésotérisme, dans tous ses aspects, dans toutes ses catégories et dans tous ses degrés. Tant que l'homme n'est pas dans son intelligence, il n'a pas la faculté de discerner entre ce qui est important et ce qui n'est pas important dans sa vie. Parce que ce qui est important dans sa vie, du point de vue de l'intelligence pure, n'est pas important du point de vue de l'intelligence subjective. Et ce qui est important du point de vue de l'intelligence subjective n'est pas important du point de vue de l'intelligence pure. De sorte que ce qui est important dans la vie de l'homme est toujours proportionnel à sa vision des choses, à son état mental, à son état émotif, ou à son état supramental. De sorte que l'importance de l'ésotérisme dans la vie d'un homme dépend toujours de son intelligence, c'est-à-dire que c'est de son intelligence et de sa liaison plus ou moins développée avec l'émotionnel que l'importance de l'ésotérisme devient de plus en plus grand pour l'homme sur le plan subjectif. Mais dès que l'intelligence se sépare de l'émotionnel dans l'homme, qu'elle devient supramentale et qu'elle devient télépathique avec le mental supérieur, la valeur émotive de l'ésotérisme, qui est très puissante, comme la valeur mentale de l'ésotérisme, qui est très grande, se dissout, de sorte qu'il ne reste plus pour l'homme d'ésotérisme dans sa vie, parce que sa vie devient de plus en plus réelle. Dans l'ésotérisme, les hommes qui enseignent donnent à l'homme des points de vue qui vont varier plus ou moins avec différents enseignements parce que justement ces points de vue font partie d'une dualité qui est contenue dans le monde qu'ils ont investigué pour le bénéfice de l'homme qu'on appelle le monde astral. Et comme le monde de l'investigation, le monde de l'expérience humaine, le monde de la mémoire de l'homme, est un monde qui n'est pas soumis aux lois de l'intelligence pure, ce monde est apporté dans la réalisation de l'homme par l'expérience astrale de l'homme ou par l'expérience télépathique astrale de l'homme. De sorte que l'homme, lui, n'est jamais parfaitement dans le réel de l'enseignement, il est toujours dans une catégorie d'expérience qui convient à la nature de celui qui va sur les plans ou qui reçoit de l'information par télépathie. Et cette convention qui est établie entre celui qui reçoit de l'information sur les plans et l'homme qui reçoit l'enseignement est toujours une convention qui sert à spiritualiser l'individu pour l'amener de plus en plus près de sa réalité spirituelle, pour qu'un jour il puisse aller au-delà de la réalité spirituelle et entrer dans ce qu'on appelle l'intelligence de la science de l'esprit, ou l'intelligence pure. Je pars de l'ésotérisme et je reviens à la naïveté, parce que je veux faire une connexion. La naïveté chez l'homme, elle existe sur tous les plans de son expérience. La naïveté de l'homme provient du fait qu'il est ou qu'il fait expérience d'une condition de vie qui n'est pas parfaitement développée, de sorte que son expérience n'est pas totale. Et comme son expérience n'est pas totale, l'homme est sujet dans sa vie à l'expérience de la naïveté à un niveau ou à un autre. Et comme l'expérience est infinie dans la vie, L'expérience ne peut jamais être totale du point de vue expérientiel de l'homme. Alors comment l'homme peut-il un jour en arriver à ne plus être naïf au niveau de l'expérience? Il n'y a qu'une façon, il n'y a qu'une condition pour que l'homme sorte de la naïveté, tant sur le plan de l'expérience psychologique humaine que sur le plan psychologique ésotérique humain. Pour que l'homme sorte de l'expérience de la naïveté, il doit être dans un état d'intelligence qui est supérieur à son émotivité et à son intellect. C'est-à-dire un état d'intelligence qui n'appartient pas à lui, qui fait partie de la condition fondamentale des lois de la vie, des lois de la création, des lois de l'évolution, des lois de l'énergie. Et l'homme, de par son mental supérieur, doit être lié à cette énergie, parce que cette énergie qui est intelligence contient et retient tout de l'intelligence inférieure qui est vécue par l'homme quelconque. Autrement dit, l'intelligence supramentale est toujours parfaitement informée de la nature de l'expérience et de l'intelligence de l'homme en dehors de cette intelligence supramentale. Et si un homme vit une expérience sur le plan humain, ou si l'homme vit une expérience sur le plan humain ésotérique, l'intelligence supramentale conviendra toujours avec cette expérience, de telle sorte que l'intelligence supramentale, de par sa présence dans l'homme, pourra toujours expliquer à l'individu la valeur fondamentale, la valeur réelle et la valeur relative de son expérience ésotérique ou de son expérience purement ésotérique sur le plan humain. De sorte que l'homme, au lieu de perdre énormément de temps dans la vie à faire expérience psychologiquement de la vie, ou à faire expérience psychologiquement et ésotériquement de la vie, l'homme pourra outre-dépasser ses limites qui font partie de l'expérience humaine et entrer en convention directe avec l'intelligence et ne plus à vivre sur le plan matériel de ce qu'on appelle l'expérience purement psychologique ou de l'expérience psychologique ésotérique ou occulte. Le phénomène de la naïveté est un phénomène qui existe chez tous les hommes, parce que les hommes n'ont pas encore atteint le stage suffisamment avancé de la conscience supramentale ou de l'intelligence supramentale ou de l'intelligence pure ou de l'énergie de l'intelligence, appelez ça comme vous voulez. De sorte que les hommes sont incapables de par eux-mêmes de pouvoir faire une dichotomie, de séparer, de voir à travers les formes qui leur sont véhiculées dans le domaine de l'expérience, sur le plan de l'expérience psychologique humaine ou sur le plan de l'expérience psychologique ésotérique ou occulte humaine. De sorte que l'homme, à cause de cette naïveté qui est toujours présente dans son expérience, n'est jamais capable de sentir le plein de son intelligence, n'est jamais capable de sentir le plein de sa réalité et est obligé, d'une façon ou d'une autre, de s'accrocher à des hommes qui, de par leur expérience, peuvent leur canaliser de l'information qui, en retour, leur sert d'expérience psychologique ou d'expérience psychologique ésotérique ou occulte, faisant des hommes constamment des êtres qui sont à la remorque d'autres êtres plus ou moins évolués. Le phénomène de la naïveté dans la nature humaine est un phénomène qui dure depuis très longtemps. Et c'est un phénomène qui un jour doit cesser dans la vie de l'homme. Parce que le phénomène de la naïveté contient tous les hasards possibles qui permettront que des forces positives ou négatives engendrent des impressions dans l'esprit de l'homme pour le faire avancer, soit spirituellement ou pour le retarder. Et l'homme ne peut pas, à un certain moment de sa vie, à un certain point de sa vie, être retardé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus perdre trop d'énergie, parce qu'il ne s'agit plus pour l'homme seulement de dire, bon ben, si ça va pas dans une vie, ça ira dans l'autre. Il s'agit pour l'homme d'en arriver un jour à être suffisamment conscient de son intelligence dans une vie pour que la relation énergétique entre l'intelligence et ses principes inférieurs puisse créer des impressions vibratoires suffisamment puissantes sur ses principes pour que l'homme, à la fin d'un certain nombre d'années, puisse en arriver, de par un processus naturel et une upgradation naturelle de l'énergie d'un taux vibratoire de ses corps, en arriver à voir dans l'invisible et éventuellement faire connexion avec la conscience morontielle qui fait partie de sa conscience éthérique en évolution. Mais tant que l'homme est naïf, c'est-à-dire que tant que l'homme n'est pas capable de pouvoir voir, de par lui-même, tous les aspects de toutes les impressions créées dans sa vie. Tant que l'homme n'est pas capable de juger, de par lui-même, de la valeur relative de toutes les impressions créées dans sa vie, soit sur le plan psychologique ou sur le plan ésotérique, psychologique ou occulte, l'homme est incapable de se suffire à lui-même dans le mental. Et si l'homme n'est pas capable de se suffire à lui-même dans le mental, il sera toujours obligé, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, d'être sous l'effet de la créativité d'un autre homme. Et l'homme, un jour, doit cesser d'être sous l'effet de la créativité d'un autre homme pour être les deux pieds, pour avoir les deux pieds dans sa propre créativité et, selon la vibration de sa créativité, échanger avec un autre homme qui a lui-même sa propre créativité. Ce qui crée dans le monde les clans, les églises, les organisations, les associations, provient du fait que les hommes ne sont pas et n'ont pas atteint leur propre créativité. Si les hommes, individuellement, avaient leur propre créativité, il n'y aurait pas d'association, il n'y aurait pas de clan, il n'y aurait pas de congrégation, il n'y aurait pas d'église dans le monde. Il y aura simplement des hommes qui œuvrent ensemble, un donnant à l'autre ce qu'il a et l'autre donnant à lui ce qu'il possède. Il y aurait un échange entre les hommes seraient totalement individualisés, formeraient une société unitaire de conscience, mais qui serait totalement non gérée par un être ou par deux êtres ou par une forme quelconque gouvernementale. Les hommes n'auraient pas besoin de gouvernement pour les gérer, ils seraient eux-mêmes gouvernement, ils seraient eux-mêmes gouvernants et gouvernés. Mais pour que l'homme soit lui-même gouvernant et gouverné, il faut qu'il soit créatif. Pour que l'homme soit gouvernant, il faut qu'il soit créatif. Pour qu'il soit gouverné, il faut qu'il soit suffisamment intelligent pour voir que dans tel gouvernant ou dans tel homme qui produit telle chose dans la vie ou dans une société ou dans un monde quelconque, il y a de l'intelligence créative qui est au-delà de l'ego et qui fait partie de la conscience supplémentale planétaire. Et lorsque les hommes auront réalisé que l'homme ne peut plus être seulement gouverné, qu'il doit être aussi gouvernant et gouverné, c'est-à-dire qu'il doit être dans l'intelligence créative pour être gouvernant et qu'il doit être dans l'intelligence pour être gouverné afin de ne pas être esclave des gouvernants, l'homme aura réalisé l'inutilité de recevoir d'autres individus dans le monde, ce qu'on appelle de l'enseignement. Tant que les hommes seront obligés de recevoir de l'enseignement dans le monde, que ce soit de l'enseignement ésotérique ou occulte, ou simplement de l'enseignement prestigieux comme de la philosophie ou quoi que ce soit, les hommes seront obligés d'aliéner une partie de leur être futur pour permettre à une partie de leur être présent d'être subordonné à cet enseignement, de sorte que les hommes seront obligés de demeurer dégouvernés. Et dans la société de l'homme aujourd'hui, dans la société de l'homme mondial, de l'homme de la cinquième race, il est évident que, à cause de la nature de la société et de la nature des corps de l'homme, de la densité des corps de l'homme et du manque de pouvoir d'évolution de l'homme et de déplacement dans les espaces éthériques de l'homme, l'homme est obligé d'être gouverné s'il n'est pas gouvernant. Mais viendra le jour où l'homme aura suffisamment de conscience, c'est-à-dire que l'homme aura absorbé suffisamment d'impressions vibratoires dans ses principes, jusque sur le plan matériel, pour que cet homme puisse, à un certain moment, se libérer de la chair et entrer en convention vibratoire avec des intelligences et des réalités sur d'autres plans, où il ne sera plus gouverné, mais sera gouvernant. Et là où l'homme sera gouvernant à cause de sa conscience éthérique, autrement dit à cause de la propulsion dans un autre éther de sa conscience morontielle, il aura la capacité de revenir sur le plan matériel où les hommes sont gouvernés, mais sachant qu'il est gouvernant, il ne sera pas opprimé par le fait qu'il est gouverné, il jouera simplement le jeu d'être à l'intérieur d'une société à l'intérieur de laquelle il pourra diffuser ses pouvoirs pour augmenter le taux vibratoire de la conscience de ceux qui seront gouvernés pour qu'un jour eux deviennent aussi gouvernants. Autrement dit, l'homme de demain aura le pouvoir de visiter et d'être dans deux mondes à la fois dans le monde invisible, à la fois dans le monde de la matière, pour travailler en tant que gouvernant dans le monde invisible et travailler en tant que gouverné, entre parenthèses, dans le monde, autrement dit, en tant qu'être respectant les lois des gouvernements matériels sur le plan matériel, pour permettre à des êtres qui sont encore gouvernés d'apprendre d'autres choses pour qu'ils en viennent un jour, eux aussi, à être gouvernants. Et lorsque tous les hommes seront gouvernants à ce moment-là, il n'y aura plus sur la terre de gouverner, il n'y aura plus sur la terre de gouvernement, ce sera la septième race de l'homme. Les hommes vivront totalement dans l'éthérique. Mais en attendant, Les lois de l'homme doivent être comprises parce que lorsque l'homme commence à entrer dans la conscience supramentale et qu'il commence à comprendre les lois de l'intelligence, il lui est de plus en plus facile de comprendre les lois ou la loi du gouverné et aussi la loi du gouvernant. Et tant qu'il est sur le plan matériel, il peut de plus en plus supporter le fait d'être gouverné maintenant, mais sans en souffrir trop, parce qu'il a suffisamment d'intelligence pour réduire le plus possible les lois du gouverné, pour qu'un jour il en arrive, après un certain nombre d'années, lorsqu'il est arrivé à un certain point d'évolution d'intelligence et de créativité, de se créer dans le monde matériel une condition suffisamment intelligente pour qu'il soit le moins gouverné possible, c'est-à-dire suffisamment gouverné pour respecter les lois, mais non gouverné à un tel point que les gouvernants aient sur lui un pouvoir sur son esprit. Une fois que l'homme est arrivé à ce moment-là, il est facile pour lui de demeurer un certain nombre d'années sur le plan matériel. Et s'il veut pour changer un peu d'espace ou d'oxygène, il change et il va dans l'éthérique. Et il continue sa vie-là, mettant ou gardant son corps physique dans un état de conscience en suspension. Et il revient plus tard dans le corps du gouverné. Mais il voit et il sait tellement qu'il n'est pas gouverné que le fait qu'il vive dans une société matérielle où les gouvernés existent, cela ne lui fait plus rien parce qu'il a déjà les pouvoirs de la conscience créative. Il a déjà les pouvoirs de la bilocation. Il a déjà les pouvoirs de la conscience de l'homme qui lui permettent que si les gouvernés sont trop opprimés, il peut facilement changer de pays à volonté. Mais pour que l'homme en arrive à comprendre la différence entre ceux qui sont gouvernants et ceux qui sont gouvernés, il faut que l'homme commence à comprendre les lois de la naïveté. Et pour qu'il comprenne les lois de la naïveté, il faut qu'il commence à comprendre les lois de l'intelligence. Parce que les lois de l'intelligence sont extrêmement sévères. Les lois de l'intelligence sont des lois qui sont vibratoires, ce ne sont pas des lois psychologiques. Et comme ce sont des lois vibratoires et que tout ce qui est vibratoire est extrêmement rigide, parce que tout ce qui est vibratoire est extrêmement parfait, il s'agit pour l'homme de se soumettre éventuellement petit à petit aux lois de l'intelligence, c'est-à-dire d'apprendre petit à petit à perdre sa naïveté. L'homme doit apprendre par lui-même à perdre sa naïveté. On ne peut pas nous-mêmes, les hommes ou d'autres hommes, lui apprendre à perdre sa naïveté. C'est dans l'expérience et en relation avec une certaine instruction de fond que l'homme peut apprendre à perdre cette naïveté. Et au fur et à mesure qu'il avance, il atteint un certain plafonnement où son intelligence est suffisamment correcte pour qu'il puisse lui-même, de par lui-même, réaliser avec très grande profondeur et très grande certaineté dans l'esprit que son état naïf antérieur faisait partie de son manque d'expérience et aussi faisait partie de son état spirituel et aussi faisait partie de son attitude psychologique et aussi faisait partie du fait qu'il n'était pas encore suffisamment entré dans l'énergie de l'intelligence supramentale. Qu'un homme soit naïf sur le plan matériel, c'est normal, mais qu'un homme soit naïf trop longtemps, c'est pas normal. Qu'un homme soit naïf dans la vie lorsqu'il est inconscient, c'est normal, mais qu'un homme soit naïf et demeure naïf lorsqu'il se conscientise, ce n'est plus normal, parce que plus un homme se conscientise, plus il devient intelligent, non pas dans le sens de la vieille intelligence de la cinquième race, mais dans le sens d'une intelligence qui est vibratoire et qui l'indique et qui le pousse et qui le guide et qui lui fait réaliser par vibration que tel mouvement n'est pas précisément celui qu'il doit faire ou que telle situation vis-à-vis tel homme n'est pas une situation qu'il doit vivre et automatiquement l'homme, étant sensible à la vibration de cette intelligence, met son cap sur autre chose et abolit automatiquement le pouvoir de l'intelligence subjective sur lui à cause de son pouvoir sur son émotion qui crée la naïveté. Qu'est-ce que c'est la naïveté? C'est un état émotionnel chez l'homme qui fait que son intelligence subjective est incapable de dépasser la réalité de son émotion. De sorte que n'étant pas capable de dépasser la réalité de son émotion, l'intelligence subjective est obligée de se forcer, de se plier à l'émotivité de l'individu et en se pliant à l'émotivité de l'individu, elle est obligée de rendre compte non pas à l'individu qui vit l'expérience, mais à l'autre, que celui qui vit l'expérience est naïf. Autrement dit, ce n'est jamais la personne qui est naïve ou la personne qui est naïve qui se voit comme naïve, c'est toujours celui qui le fourre. Vous comprenez? Bon, je continue. Lorsque l'homme est suffisamment intelligent, autrement dit qu'il est suffisamment dans les vibrations de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il est suffisamment capable d'intercepter dans l'instantané toute vibration lui venant de l'intelligence, qui coupe à travers l'intellect, qui coupe à travers l'émotionnel, automatiquement, cet homme-là, vis-à-vis un autre homme qui est là pour lui jouer un tour, est capable de voir le tour avant le temps. Même avant le temps de la rencontre. Il peut le voir 2-3 jours avant. Bon. Et étant dans cette intelligence, l'homme automatiquement a le libre arbitre à ce moment-là, a le libre choix, a la capacité, s'il veut, de se faire passer pour naïf selon l'impression qu'il veut créer ou selon l'impression qu'il veut détruire. Moi, je sais très bien que dans mon expérience, il y a des gens qui veulent me jouer des tours et je les laisse me jouer des tours. Mais eux ont l'impression de me jouer des tours, mais moi, je sais que quand eux me jouent un tour, ils se jouent à eux un tour. Mais ça, ça fait partie de l'intelligence qui se dédouble. Et lorsque l'intelligence se dédouble, l'homme s'aperçoit qu'il ne peut pas, on ne peut pas lui jouer de tour parce qu'on ne peut pas de jouer de tour à un homme intelligent parce qu'un homme intelligent n'est pas dans l'intelligence du tour. Il est au-delà de l'intelligence du tour. Et comme il est au-delà de l'intelligence du tour, il est autour de l'intelligence de celui qui joue le tour. Et étant autour de l'intelligence de celui qui joue le tour, il n'a pas à perdre d'énergie. Et celui qui lui joue le tour fait tout le mouvement de l'intelligence et éventuellement il s'accroche avec. C'est la loi du retour. Alors, la naïveté, c'est un phénomène absolument extraordinaire, si on le voit ou si on l'explique du point de vue de la conscience supramentale ou de l'intelligence pure, parce que la naïveté contient 5 aspects. La naïveté, elle est intelligente. La naïveté, elle est stupide. La naïveté, elle est bonne. La naïveté, elle est spirituelle. Et la naïveté, elle est émotive. Et quand je dis que la naïveté, elle est intelligente, je dis ceci, c'est que la personne qui est naïve, elle est intelligente. C'est-à-dire que la partie en elle qui est intelligente, ce n'est pas elle, c'est l'intelligence cosmique en elle, qui s'applique dans une condition de vie qui lui fait vivre une expérience sur le plan subjectif de son intelligence pour qu'elle, plus tard, en arrive à comprendre sa naïveté. Autrement dit, dans toute naïveté, il y a toujours une intelligence plus grande que la vôtre qui vous fait vivre l'expérience de la naïveté pour que vous en arriviez un jour à dépasser l'expérience de la naïveté. S'il n'y avait pas en vous une intelligence plus haute qui vous amenait à vivre l'expérience de la naïveté à l'intérieur des mécanismes de votre intellect et de votre émotion, vous ne comprendriez, vous ne sauriez jamais que vous êtes naïf. Alors, il y a dans la naïveté toujours une intelligence plus grande qu'elle-même. Les autres aspects, je les ai oubliés. Je sais qu'il y a l'émotion. Bon, stupide. Alors, la naïveté, elle est stupide pour deux raisons. Elle est stupide parce qu'elle est capable de se nourrir d'elle-même pour se donner l'impression d'être bonne. La naïveté est un vampire en renverse. La naïveté, c'est un vampire qui se mange. Au lieu de manger les autres, il se mange lui-même. Alors, le comble du cannibalisme, sur le plan émotionnel, c'est de se manger soi-même. Et la personne naïve est effectivement un cannibale émotionnel qui se mange lui-même et qui se détériore et qui s'enlève tout ce qu'il a pour le bénéfice des autres parce qu'il n'est pas dans son intelligence pure. La naïveté, elle est émotive parce que dans l'émotion, il y a toujours la contingence, il y a toujours la relation entre l'intellect et l'homme qui est émotif. Et comme il y a toujours de l'intellect dans l'émotion, celui qui est naïf a l'impression d'être intelligent dans son émotivité, mais comme il ne réalise pas qu'il y a de l'émotivité dans son intelligence, il a l'impression que l'émotivité est simplement un aspect de sa sensibilité. Alors l'émotif, lui, la personne qui est naïve, se sent, se prévoit, se donne comme raison de cœur d'être bonne, d'être gentille, d'être affable, de vouloir aider, ainsi de suite. Autrement dit, la personne qui est naïve se joue le coup du singe, c'est-à-dire qu'elle se donne l'impression d'être gentille, d'être intelligente, d'être bonne. Elle se donne un plus-value lorsqu'en fait, ce n'est pas un plus-value qu'elle se donne, c'est un minus-value qu'elle a. Mais elle est obligée de se donner un plus-value pour l'autre raison. Qu'est-ce que c'était l'autre raison? Ah oui, elle est obligée de se donner un plus-value parce qu'elle est spirituelle. C'est le fait qu'elle est spirituelle qu'elle se donne un plus-value. Si elle n'était pas spirituelle, elle ne pourrait pas se donner de plus-value parce qu'en étant spirituelle, elle a déjà l'intention. Et l'intention, c'est l'intention de l'intelligence. Et l'intention de l'intelligence fait partie du jeu de la grande intelligence sur son intellect pour lui donner l'impression, à cause des relations entre l'homme et la mémoire de l'âme, qu'elle est bonne. Et en faisant ceci, elle devient ésotériquement vôtre, c'est-à-dire qu'elle devient ésotériquement connectée à l'âme. Et quand on devient ésotériquement connecté à l'âme, on est spirituellement attaché à la mémoire de l'âme. Et quand on est attaché à la mémoire de l'âme, on se crève sur le plan de l'intelligence. C'est pour ça qu'une personne naïve ne peut jamais être dans l'intelligence. Alors, c'est très important pour l'homme de comprendre que la naïveté est un mécanisme à double tranchant, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui sert les autres, mais qui nous retranche de notre propre service. Et ce qui est le plus dangereux dans l'expérience de la naïveté, c'est la spiritualité et l'émotion, parce que la spiritualité, c'est le tremplin du naïf, et l'émotion, c'est le spring dans la corde. Plus il y a d'émotion, plus il y a de tension dans la corde pour aller loin la flèche, et le tremplin, naturellement, il faut qu'il l'ait pour être capable d'être spirituel. Un être qui est dans la mafia, qui n'est pas spirituel, ne va pas être naïf. Bon. Bienheureux les mafiosos.